Oui, allô? Bonjour madame, je suis Félix, un ami d'Anatole. Il est là, s'il vous plaît? Oui, il est là, ne quittez pas. Anatole, c'est pour toi! Allô? Salut Anatole, c'est Félix. Ça va? Excuse-moi, je suis en retard. Ce n'est pas grave.